on est, nous, doctorants et étudiants, on a commencé à discuter avec des gens qui travaillent dans l'administration, à échanger un peu sur nos conditions de travail. Enfin, on a appris plein de trucs, en fait. On ne savait pas trop comment ça fonctionnait l'administration, comment les gens travaillaient. Et je trouve ça extrêmement positif. On est une partie des gens du collectif à aussi être dans Solidaire étudiant. Et Solidaire étudiant est un peu plus lié maintenant avec les syndicats de personnel. Enfin, je trouve que c'est des choses qui sont très positives et qu'il faut, voilà, qu'il faut continuer à maintenir. Et pour recréer du lien et de la solidarité entre nous, tous, statuts, confondus. C'est moins facile avec les enseignants. Hein. Bon, on y travaille, regardez, on est là. C'est une belle journée, moi je suis vraiment ravi qu'on puisse. Et bah, allez-y. Comment, Christian ? C'est la réalité. Mais il y a eu. Ah oui, pardon, excusez-moi, il y a la CFDT. Non, on a parlé d'un syndicat. Il y a un syndicaliste en chef qui est Patrick Frédonçon, là tu peux garder le micro ouvert, c'est ça qui l'entendra, et qui est le syndicaliste, c'est le syndicat personnifié depuis toujours, c'est bien sûr celui qui a le plus collaboré à toutes les trahisons, notamment en 2009, lorsqu'il a négocié, entre guillemets, avec Madame de Pécresse, le statut des enseignants, et s'en est félicité ensuite, désormais il adore les communes, enfin bref, ça c'est ça. La célébrité, on n'en parle pas. Mais du côté des enseignants, après syndicat, dans ce qu'ils ont, il n'y en a pas. Il y a eu une tentative par Robert de Simon de créer le SNESSUP. Je pense qu'il a réussi à avoir deux adhésions par la sienne. Alors, du côté des chercheurs CNRS de la maison, qui sont nombreux, il y a une section CNCS forte. Voilà. Et à mon avis, pour une ressource, notamment pour aller discuter de tout ce qui se passe dans les labos. Vous pouvez discuter avec eux quasiment en essayant d'avoir une plateforme commune qui pourrait être portée dans les labos sur tout ce qui est dans les rapports de travail un peu quotidien. Oui, tous les jeudis. Hein, ça c'est vraiment bien. Est-ce qu'il y a des espaces où on pourrait continuer la discussion sur et on pourrait se mobiliser ensemble en fait. Remarquez, vous pouvez venir plus régulièrement à PDS, parce qu'il y a des tas de vous avez mentionné beaucoup d'aspects, beaucoup de changements dans l'enseignement supérieur et la recherche dont on a traité ici. Ou alors vous pouvez aussi écouter les enregistrements des années passées, parce que ça fait quand même depuis combien? Depuis 2009 on tient à... Oui, bon, pas toujours facilement, mais... Ce lieu est un lieu, c'est un lieu informel, hein, mais c'est un séminaire de l'école qui a son rendez-vous là. Et vraiment, on peut repenser à une séance comme celle d'aujourd'hui, où vous auriez à nouveau la main, à une autre étape de votre action. Voilà, vous pouvez aussi profiter de ce qui se passe ici, il y a quand même beaucoup d'informations assez élaborées. Hein. Moi, je trouve que pour moi, c'est intéressant aussi de voir... de bien comprendre, de voir de l'intérieur ce que pensent les étudiants, comment est-ce qu'ils vivent la situation, ne serait-ce aussi pour mieux entendre ce qui est dit de la part des collègues et de mes propres étudiants. Enfin bon, c'est, de toute façon, c'est positif. Hein. Oui, juste là-dessus, très rapidement, parce que je pense que ça serait hyper intéressant que vous détailliez ce qui relève de l'exploitation quand on est doctorant et ce qui relève de l'apprentissage du métier, parce que là-dedans, moi je pense que je fais l'exercice comme ça de me souvenir, je pense qu'il y a des choses qui n'étaient pas rémunérées en tant que telles, mais qui m'ont été très utiles, comme apprentissage des choses, comme rencontres, comme etc. Je pensais à votre intervention. Organiser un colloque, c'est vachement formateur. C'est pas forcément évident, je suis d'accord avec vous. C'est pas forcément évident de se dire à un moment, là ça bascule dans un truc. En particulier dans la recherche, en fait, on parlait de communauté tout à l'heure, il y a un peu une illusion de communauté dans ce moment. Qui parfois réel et qui parfois tend à masquer des rapports hiérarchiques. Et en fait, c'est dur. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. C'est pas qu'une question de choix, c'est déjà une question de clarification de ça pour dire. Et le problème, c'est que les choses sont pas du tout claires, et en fait, quand on commence en doctorat, on ne sait pas quelles vont être nos attributions et les choses qu'on va nous demander de faire. Je pense que c'est vraiment ça. Peut-être qu'à élaborer, c'est très. Quels seraient des rapports de travail sains dans un labo? Je pense que ça devrait être échangé là-dessus avec les personnels. Ce serait intéressant si on allait dans le détail, ce serait bien. Et pas forcément dans le même ordre d'idée, mais moi, ce qui me fascine, entre guillemets, et ce qui, à mon avis, est un truc, quand je parlais des exigences du côté des titulaires et tout, et qui, à mon avis, là aussi, il faudrait sans doute que l'on s'entende et que vous fassiez entendre notre voix et tout, mais que nous, on soit très attentifs, c'est que moi, je suis absolument effaré par l'inflation délirante des critères de sélection. Alors délirante en partie parce qu'effectivement il y a beaucoup de monde qui est très bon, etc. Mais il faut régulièrement dire à des collègues, etc., canos, quoi, parce que tu n'avais pas le quart de son CV quand tu es rentré en haut. Et donc on entend tranquillement, pour un peu de mettre de compte, tout le monde est très bon, machin, là, dire oh, bah, il n'a même pas de livre. Attends, il y a 40 articles, il a fait ça, si, ça, là, il n'a pas de livre. Est-ce que tu avais un livre? Ah non. Donc, alors là, ça calme le jeu, quoi. Mais il y a aussi un peu de tranquillité à dire ah, bah, il ne parle pas quatre langues. Bon, mais ce genre de truc, c'est, je pense qu'il faut, là aussi, il faut être attentif et dire de votre côté écoutez, nous, on a un certain nombre de choses du métier à apprendre, ok, publier, mais à un moment, calmer, on ne peut pas non plus avoir fait sa carrière avant de rentrer dedans. Quoi. Voilà, c'est... Et de plus en plus, moi j'ai l'impression, je pense que c'est le cas de beaucoup, de voir des cellules où les gens n'ont pas encore leur poste. C'est pas seulement que ça. Dans mon cas, comme pour être vacataire, il faut avoir un employeur principal. Donc déjà, j'ai un employeur principal qui je travaille 30 heures par semaine à une chose que c'est alimentaire. Et déjà, quand tu vois, des fois, bah, on n'est pas des bonnes humeurs et qu'ils viennent et te disent, bah, en fait, les choses que tu dois faire, c'est publier. Non, oui, disons, on le sait, évidemment, qu'on sait qu'on doit publier, faire un bouquin après la thèse, etc. Mais à quel moment? Si tu donnes des cours à Sciences Po, à Poitiers, à Paris 13, à Paris 8, plus les machins, plus les autres choses militants, etc., tu te dis, bon. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, c'est moi. C'est ça qui va changer les choses. C'est ça qui va changer. En fait, vous avez plein de temps dans les trajets. Non, les choses que je voulais dire, c'est que quand je pose la question, dès que bon, j'ai un emploi à côté, et tout le monde me dit oui, mais nous, c'était pareil. Soit pas pareil, il y a 10 ans, tout le monde ne faisait pas exactement et c'était pas la même situation de précarité. Disons que le manque de postes, c'est quand même quelque chose de très très chronique. Hein. Et oui. Des gens qui passent 10 ans avant d'avoir un poste, j'en ai connu les jours. Ouais. Là, ça devient un jour. Oui, c'est vrai, c'est enfin, par ici, je veux dire. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, c'est non, mais je je ne veux pas dire que... Non, c'est pas très facile. Bon, il ne faut pas oublier, enfin, juste ça quand même, que ça a toujours été... Oui. Il y a eu une vague dans les années 80, de tout d'un coup, il y a eu un grand nombre de personnes qui sont rentrées. Mais... Oui, alors là, c'est justement là ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'en plus, dans les gens qui sont rentrés, il y a beaucoup, ils ont ouvert les vannes, alors surtout en informatique, parce qu'ils en manquaient. Et donc là, on a des profs d'informatique qui sont et qui sont là, putain, mais il n'a pas 400 d'indications, on ne peut pas le prendre. J'ai pas l'impression que tous les profs sont là. Attention, parce qu'en ce moment, on devient prof comme ça en sociologie. Alors, on a 3 ans, attention. C'est bien aussi parce qu'ils prennent tous leur retraite. Mais en fait, je demande et je me donne la parole. Il y avait l'année dernière, pour revenir ce que vous disiez sur les qu'est-ce qui est Romain aussi, qu'est-ce qui peut agir, qu'est-ce qui peut être visible, qu'est-ce qui peut embêter le pouvoir. Eh bien, il y a eu l'année dernière, dans la perspective, enfin, dans le cadre de 500 matchs, une menace des directeurs de labo de cesser toute activité administrative et donc de ne plus rien renvoyer aux tutelles. Et donc ce que je sais, c'est qu'il y a eu, je crois, 200 personnes venues, je crois, à la première réunion. À la seconde, il devait être une cinquantaine, peut-être. Et ensuite, le mouvement est mort comme une vague qui atteint la plage et sans retour. Donc, Il y a quand même ces questions de la comment fait-on pour pérenniser, si on veut, un mouvement qui est un mouvement quand même non seulement de colère, mais en plus qui était argumenté, bien sûr, parce que il est sur une telle réalité, celle que vous vous rappeliez, c'est-à-dire qu'on peut, il y a de l'argent qui part dans des vacations, et on pourrait très bien créer des postes, tout ça. Et ça s'est perdu dans les sables, alors peut-être une manière, je ne sais pas si c'est directeur de labo ou une structure comme ça qui doit être réactivée, parce que pour faire un mouvement, il faudrait pouvoir faire en sorte que toutes les catégories de l'ESR se donnent la main. Mais oui, mais... Et les directions des établissements ne bougent jamais, elles sont inféodées à la politique nationale. Qu'est-ce qui reste ? Il y a quelques présidents de l'ASP là. Oui, il y a quelques-uns qui sont quand même, justement parce qu'ils sont pris aussi à ces petits packs, pas des roses, tout ça, mais ils sont quand même pris aussi dans des espèces de logiques délirantes de gestion de la pénurie. Donc il y en a quelques-uns qui ont des positions un petit peu, mais qui disent d'ailleurs que quand ils se retrouvent à la CPU, ils seront complètement noyés par la loi du rébut, ou à d'autres des trucs fac pour eux, donc c'est bien normal que c'est derrière. Même ces raisons-là, pour l'université, il y a des primes d'excellence et ils pourraient tellement les permettre sans salaire. Oui, tout à fait. Mais ils ne font pas. Non, mais donc on pourrait voilà, identifier des gens qui ont de C, pareil. Mais non, pas tout de suite. Le dernier vote. Le dernier vote à la CPU s'est traduit par la reconduction de l'équipe précédente, alors que l'autre équipe comportait Alfres. Oui, enfin, l'autre équipe, c'était ma présidente qui était qui en faisait partie, c'était pas, elle était dedans, et c'est pas non plus. Non, bien sûr. C'est pas la révolution en marche tous les jours. Hein, pourtant, c'est Vincennes-Saint-Denis. Hein, mais l'esprit de Vincennes, il y a longtemps qu'il ne souffle plus à Saint-Denis. C'est fini.